bonjour, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. 2006 à 2010, 5 saisons et 5 champions du monde. Une ère de la Formule 1 où les plus grands pilotes de leur époque se sont affrontés au sommet dans des saisons aussi riches en action qu'en drama. Si 2006 marquait définitivement la fin de l'ère Schumacher qui avait marqué cette décennie, 2007 et la lutte pour le titre entre Alonso Raikkonen et Massa, jadis vu comme de jeunes espoirs quelques années plus tôt, était la confirmation. Cette saison 2008 que nous allons décortiquer marque en quelque sorte l'an 1 du renouveau de la F1 de cette époque. Mais 2007, c'était aussi l'émergence d'une nouvelle génération menée par l'incroyable Lewis Hamilton, ayant échoué à un point du titre pour sa première saison et ayant mené la vie impossible au double champion du monde en titre Fernando Alonso. Nous voyons aussi l'éclosion de jeunes prometteurs tels que Nico Rosberg, Robert Kubica, Adrian Sutil, Heikki Kovalainen et aussi Sebastian Vettel qui, en une demi-saison, aura bluffé tout le monde dans une voiture habituée au fond de grille. Mais outre ce conflit générationnel et une saison tendue du début à la fin, 2008 c'est aussi une année décisive pour les pilotes végétant dans le ventre mou du peloton. Entre les nouveaux champions et les jeunes loups, nous retrouvons deux autres catégories de pilotes, ceux qui représentent les traces et les vestiges du passé tels que Rubens Barrichello, David Coulthard, Arnaud Trulli ou Giancarlo Fisichella, qui semblent tous se diriger vers la fin de leur parcours avec fatalisme, et ceux qui semblent naviguer dans un désert sans fin tels que Nick Heidfeld, Mark Webber ou Jenson Button, arrivés en même temps que des Alonso ou Raikkonen emportant tout autant d'espoir, mais n'ayant jamais vraiment eu la machine entre les mains pour confirmer leur potentiel. Plongeons donc tout de suite dans cette saison 2008, mais tout d'abord, petit rappel du background. Pour ce qui est de la constitution des équipes, très peu de changements à relever. Chez Ferrari, le champion en titre, Kimi Raikkonen, est prêt à en découdre pour un second. À ses côtés, Felipe Massa a bien l'intention de mettre toutes les chances de son côté pour lui chipper la couronne. BMW était la troisième force de très loin la saison précédente. Très loin derrière les Ferrari et McLaren, et très loin devant les autres. Leur duo de pilotes alliant expérience et jeunesse avec Nick Heidfeld et Robert Kubica compte bien se battre pour des victoires cette saison, et pourquoi pas pour le titre. Fernando Alonso est de retour chez Renault. Après une saison 2007 très difficile, le constructeur français entend renouer avec le succès, et le champion du monde espagnol savait qu'il se préparait une saison difficile lorsqu'il quitta McLaren. Mais sa relation avec le management Ron Dennis et ses relations conflictuelles avec Hamilton auront été décisives dans sa décision de s'éloigner de Woking. A ses côtés, Nelson Piquet Jr., fils du triple champion du monde et dauphin de Hamilton en GP2, fera ses débuts après une saison complète où il aura accumulé des kilomètres en tant que pilote essayeur. Nico Rosberg entame sa troisième saison en F1, toujours chez Williams Toyota, et fera office de pilote de référence pour le débutant Kazuki Nakajima. Yarno Trulli poursuit son épopée nippone chez Toyota. L'Italien s'engage dans sa 11e saison dans le sport et espère que le constructeur japonais parviendra à se relever d'une saison 2007 difficile. Aussi, il devra faire attention car face à lui, Timo Glock, champion GP2 en titre, fait ses débuts. Mais ce ne sera pas exactement une découverte pour le pilote allemand, ayant effectué 4 Grands Prix en tant que remplaçant en 2004, où il avait inscrit 2 points pour la modeste écurie Jordan. Red Bull Renault continue son apprentissage. Après une année 2007 pleine de potentiel gâché à cause d'un manque de fiabilité, Adrian Newey continue de prendre ses marques dans l'équipe, mais focalise davantage ses efforts sur la révolution technique de 2009. Le duo de pilotes expérimentés que forment David Coulthard et Mark Webber devrait aider l'équipe à combler ce déficit de développement pendant la saison. L'Écossais sait que ses jours en F1 sont comptés, après 14 ans d'activité, DC a montré la saison précédente qu'il n'avait plus sa forme d'antan en se faisant largement dominer par Webber en termes de rythme pur. Pour l'Australien, il faudra confirmer ce rythme diabolique en course, ce qui lui faisait défaut en 2008 malgré un podium. Et si Red Bull affiche un beau potentiel, c'est son équipe B, Toro Rosso, qui attira toute l'attention cet hiver. Sans surprise, Sebastian Vettel est titularisé après 6 Grands Prix où il aura été flamboyant. Red Bull attend de lui qu'il confirme son potentiel pour éventuellement le placer dans l'écurie principale en fin de saison. Mais ce n'est pas la seule surprise que Toro Rosso nous réserve cette saison. En effet, aux côtés de l'Allemand, nous retrouverons Sébastien Bourdais. Le pilote français quadruple champion du monde de Champ Car est un pilote internationalement populaire grâce à sa grande réussite aux États-Unis. Mais il devra tout de même confirmer son talent en Formule 1, un sport bien différent que ce qu'il connaît, car les jeunes Brendan Hartley et Rémi Alguersuari sont impatients de faire leur preuve avant de se voir confier un baquet de titulaires. C'était une saison désastreuse pour Honda en 2007, et l'écurie japonaise a intérêt à relever la barre. La barre Honda, Non, pardon, c'était pourri. Honda espère une bien meilleure saison pour 2008 et affiche d'office les améliorations effectuées grâce à une livrée carrément moins dégueulasse que celle de l'année précédente. De plus, l'écurie nippone a recruté Ross Brawn à l'intersaison. Multiple vainqueur et champion du monde avec Benetton et Ferrari, Brawn sera responsable du département technique de l'écurie. Ce n'est pas le seul recrutement de marque pour l'équipe, étant donné que, malgré sa lassitude du sport, Alexander Wurz a accepté de rejoindre Honda en tant que pilote essayeur. L'Autrichien avait joué un rôle important dans le développement des McLaren et Williams ces dernières années, et son rôle de l'ombre pourrait s'avérer crucial. Jenson Button poursuit l'aventure avec fatalisme, après que l'excellente fin de saison 2006 de l'équipe lui ait donné de faux espoirs en 2007, où il entra dans les points à seulement 3 reprises et marqua les seuls points de l'écurie. Il en va de même pour Rubens Barrichello, où après plus de 12 ans dans la discipline, 2007 fut la seule saison où il ne parvint pas à inscrire le moindre point. Le destin de Honda semble pouvoir se lire dans leur écurie B, Super Aguri. Après une saison où elle fut souvent bien meilleure que l'écurie principale, la situation financière de l'équipe est déprimante. Mais aucun compromis sur le line-up. On ne veut pas de pilotes payants, mais on veut des pilotes de talent, et c'est pour ça que Takuma Sato et Anthony Davidson sont prolongés. Le riche milliardaire indien Vijay Mallya s'attire les moqueries du paddock en rachetant Spyker. L'équipe renommée Force India subit les railleries des foules, déjà à cause de son nom, mais aussi car c'est le quatrième changement de nom de l'équipe en moins de 3 ans. Spyker étant né de Midland, elle-même née de l'historique écurie Jordan. Les rêves de gloire d'hommes d'affaires ne sont pas nouveaux en Formule 1, mais Mallya se dit confiant dans son projet et veut se battre pour des points sur le moyen terme et des victoires sur le long terme. Il est mignon. Il veut faire des podiums. Ah là là. Si Adrian Sutil est prolongé grâce à des apports financiers très conséquents, le jeune Allemand était très prometteur en 2007, et Force India ne fait pas de compromis en recrutant Giancarlo Fisichella, abandonné par Renault. Le pilote italien n'était pas particulièrement brillant ces dernières années, mais il reste une valeur sûre en termes de vitesse et d'expérience pour une si petite équipe, et a mérité son baquet face à une concurrence composée de Christian Klien, Ralf Schumacher, Guido van der Garde et Vitantonio Liuzzi. La dernière équipe du plateau qui arborera comme signe de honte les numéros 22 et 23 et McLaren-Mercedes. Si l'équipe était dominante en 2007, l'affaire d'espionnage a entaché la réputation de cette prestigieuse équipe, ainsi que son budget avec une amende de plus de 100 millions de dollars. Les concepts de la voiture 2008 avaient été gelés par la Fédération Internationale de l'Automobile afin de vérifier qu'aucune similitude avec les documents de travail Ferrari était présente dans le design de la voiture. Mais on s'attend néanmoins à voir Lewis Hamilton en encore plus grande forme en 2008, avec à ses côtés le prometteur Heikki Kovalainen. À 23 et 26 ans, il forme l'un des plus jeunes line-up de l'histoire du sport dans des flèches d'argent qui se montrent redoutables aux tests hivernaux. Et je dois faire cet aparté pour les plus jeunes d'entre vous qui m'ont fait la remarque précédemment, les McLaren Mercedes étaient surnommés flèches d'argent à l'époque. Je veux dire, il y a un moteur Mercedes et regardez la livrée. On n'allait pas les appeler les tutus orange papaye. Pas encore. Changement majeur pour cette année 2008 sur le point de vue technique, c'est l'interdiction de l'anti-patinage. Une nouvelle réjouissante pour les pilotes qui vont avoir des voitures certes plus difficiles à maîtriser, mais qui pourront leur offrir une meilleure expérience de pilotage. Pour le reste, peu de changements. Les moteurs doivent toujours tenir 2 week-ends de Grand Prix et un changement de moteur entraîne une pénalité de 10 places sur la grille. Les boîtes de vitesse doivent tenir 4 Grand Prix sous peine de subir une pénalité de 5 places sur la grille. Assez peu de modifications techniques cette année car toutes les équipes sont concentrées sur 2009 où une grande révolution est attendue. Ça y est, on est prêt ? On a bien fait le tour ? Eh bien, faites chauffer le popcorn, car on y va ! La saison des champions du monde en titre commence mal en Australie. Raikkonen, victime d'un problème mécanique en qualification, reste bloqué en 16e place. Quant à l'autre Ferrari de Massa, c'est seulement la 4e place sur la grille. Très belle forme des McLaren, avec Hamilton qui prend la pole position et Kovalainen qui sera pas loin derrière en 3e place. La surprise est créée par Robert Kubica qui place sa BMW en 2e place, prenant ainsi la meilleure qualification de sa carrière, échouant de la pole à 1 dixième seulement. Heidfeld sera 5e. Les Renault semblent dans une situation critique, seulement le 12e temps pour Alonso et le 19e pour Piquet Jr. Mais belle prestation des Toyota dans le top 10 tout comme Coulthard, alors que Weber part à la faute en Q2. Vettel entre dans la première Q3 de sa carrière et partira 10e, alors que Bourdais est encore loin en 18e place. Au départ, Massa tente de dépasser Kovalainen, mais le Brésilien part à la faute et se met dans le mur. Il pourra repartir, mais doit changer d'aileron avant. Derrière, Vettel cale Eri Fifi en fond de grille, qui cause l'abandon de Fisichella et l'intervention de la safety car. Weber continue sur sa belle forme habituelle en étant victime d'une panne mécanique en début de course, tout comme Trulli qui abandonne quelques tours plus tard. Après avoir mis Wurz dehors la saison précédente, David Coulthard se fait mettre dehors par un Felipe Massa tentant de remonter tant bien que mal pour la 10e place et cause le retour de la safety car. Mais tout était déjà perdu pour le Brésilien qui perdra son moteur quelques tours plus tard. Week-end cauchemardesque pour Ferrari, car quelques tours plus tard, Raikkonen sort de la piste en attaquant Kovalainen et encore plus tard Glock avant que son moteur ne l'abandonne à son tour. Le pilote allemand menait une belle remontée dans les points, mais une petite erreur aura des conséquences désastreuses et il s'en sort avec un fond plat endommagé et des difficultés pour s'asseoir pendant quelques heures. La dernière safety car est fatale pour Rubens Barrichello qui, étant un miraculeux sixième pour Honda, doit s'arrêter au stand alors que la pit lane est fermée et repart sous le feu rouge et se fera disqualifier de la course. Aussi désastreuse pour Heikki Kovalainen qui suivait merveilleusement le rythme de Hamilton en deuxième place depuis le début. Il ressortira 9e avec tout à refaire. Il remonte à la 4e place en fin de course dépassant Alonso, mais le Finlandais appuie par erreur sur le limiteur de son volant en enlevant un tear-off et se fait repasser par l'Espagnol. Nakajima accroche Robert Kubica sous la safety car, brisant la suspension du Polonais et mettant un terme à sa belle prestation alors que le Japonais finira 6e. Pléthore d'abandon et Sébastien Bourdais est un surprenant 4e, mais son moteur Ferrari l'abandonne à 2 tours de la fin. Il sera classé 7e malgré tout. Hamilton gagne la première manche de la saison devant un Nick Heidfeld confirmant sa réputation du pilote sur lequel on peut compter en cas de course folle. Derrière, une brillante course de Nico Rosberg est récompensée par le premier podium de sa carrière et le premier de Williams depuis plus de 8 mois. Ferrari se rattrape de son week-end catastrophique en bloquant la première ligne en Malaisie. Massa signe la 10e pole position de sa carrière devant Raikkonen et les McLaren de Kovalainen et Hamilton. Mais les flèches d'argent écopent chacune de 5 places de pénalité pour avoir gêné un concurrent en qualif, ce qui profite à Jarno Trulli et sa Toyota en forme qui prendront la 3e place devant les BMW. Au départ, Rosberg et Glock s'accrochent mettant un terme à la course de la Toyota. Bourdais est victime d'une rupture de suspension et abandonne aussi. Raikkonen prend la tête de la course lors de la phase des arrêts au stand et semble mener un doublé Ferrari lorsque Massa perd le contrôle et termine sa course dans le bac à gravier. Encore des points perdus pour le Brésilien, espérons qu'il n'en aura pas besoin en fin de saison. Le Finlandais s'impose devant Robert Kubica qui prend le second podium de sa carrière, tout comme Heikki Kovalainen 3e. Jarno Trulli ramène les 5 points de la 4e place à Toyota devant un Lewis Hamilton malchanceux lors de son arrêt au stand. Heidfeld est 6e devant Weber qui ouvre le compteur de Red Bull et Alonso qui marque le point de la 8e place. Felipe Massa semble en route pour une 2e pole position consécutive à Bahreïn, mais un exceptionnel Robert Kubica surpilote sa BMW pour prendre la première pole position de sa carrière et de l'histoire de son équipe. Mais Massa prend un meilleur envol que le Polonais et prend la tête au premier virage et remporte son premier Grand Prix de la saison et ouvre enfin son compteur de points. Raikkonen passe Kubica dans les premiers tours pour offrir son premier doublé de la saison à Ferrari. Kubica monte sur la 3e marche du podium et termine juste devant Heidfeld, permettant à BMW de se placer en tant que surprenant leader du championnat constructeur. La firme allemande, toujours sans victoire, fait un début de saison très solide et termine dans les échappements des Ferrari, prouvant un rythme de course très solide. Hamilton rate son départ et tombe dans le milieu de peloton et sa course sera définitivement ruinée lorsqu'il accrochera l'arrière de la Renault de Alonso et ils termineront tous les deux hors des points. Kovalainen marquera les seuls points de McLaren ce week-end en 5e place devant Trulli, Weber et Rosberg. Dans le milieu de peloton, Honda n'a toujours pas inscrit le moindre point, bien que les progrès semblent légèrement palpables par rapport à 2007. Fisichella signe une belle 12e place pour Force India dont le compteur est toujours à 0, tout comme Super Aguri luttant en fond de grille. L'écurie japonaise arrive en Europe en sachant que ce sera sa dernière course en Formule 1 à Barcelone. aucun sponsor miracle ne fait son apparition et la disparition de ce projet fou porté par Aguri Suzuki peine beaucoup de fans, cette minuscule structure ayant réussi à obtenir des résultats bien meilleurs que ce que n'importe quelle équipe avec de tels moyens aurait réussi à obtenir. Dernier Grand Prix en F1 conclu à la dernière place pour Takuma Sato sur les terres où il avait offert son premier point à cette écurie. À l'exception de tests pour un baquet Toro Rosso en 2009, aucune équipe de F1 ne voudra signer ce pilote jadis prometteur qui, malgré un podium en 2005, avait été largement dominé par Button quelques années plus tôt. Mais il connaîtra une carrière bien plus fructueuse en devenant le pilote japonais le plus internationalement reconnu grâce à d'autres disciplines. Quant à Anthony Davidson, malgré de belles prestations, son manque d'appui financier causera également la fin de sa carrière. Fernando Alonso ravit les fans espagnols en se plaçant en première ligne derrière Kimi Raikkonen. Et s'il aura fait peur à beaucoup de monde en manquant de se mettre dans le mur lors du tour de chauffe, il abandonnera plus tard sur panne moteur. Un départ plutôt chaotique voit Sutil éliminer un Sébastien Vettel incroyablement malchanceux depuis le début de saison. Sébastien Bourdais causera un accident quelques tours plus tard en accrochant Nelsinho Piquet et causant un double abandon pour Renault et Toro Rosso. Raikkonen mène un nouveau doublé pour Ferrari devant Hamilton et Kubica et s'envole avec 9 points d'avance sur le Britannique au championnat pilote. Weber signe une belle 5ème place pour Red Bull devant Button qui ouvre le compteur de Honda et Nakajima qui entre dans les points devant Trulli. Mais l'image de ce Grand Prix, c'est le terrifiant crash de Heikki Kovalainen au 22ème tour. Sa roue avant gauche souffre d'un problème de jante et cause une usure excessive de sa gomme qui éclate à plus de 240 km/h et frappe le mur de pneus à une vitesse de 210 km/h avec une décélération estimée à plus de 26G. Il se passera 20 minutes d'angoisse pour les fans avant que les commissaires ne parviennent à extraire sa monoplace. À part une perte de mémoire et une légère commotion cérébrale, le Finlandais est déclaré apte à courir pour le prochain Grand Prix en Turquie 2 semaines plus tard. Nous constatons alors l'évolution de la sécurité étant donné que l'impact est comparé à celui qui avait blessé Olivier Panis en 97 et Michael Schumacher en 99. Cela dit, Mark Webber, alors président du GPDA, l'association des pilotes, appelle à plus de vigilance sur la sécurité car la zone de dégagement était trop étroite et Kovalainen avait perdu le contrôle quelques mètres trop tôt et était directement parti dans le bac à gravier sans aucun espoir de pouvoir ralentir ou dévier sa monoplace. About 30 seconds before the impact, I don't remember, and about 2.5 hours after the accident, I don't remember. Although I never lost the consciousness, Ben and I have told everybody, you know, no injuries, and I was assisting people to get myself out of the car, but obviously I was not recording that data. And when I was back at the hospital, initially a little bit confused, you know, when I got back into this world, you know, what's happened, but... Et retour en fanfare pour le Finlandais qui signe le 2e chrono des qualifs en Turquie derrière Massa et devant son équipier. Mais Kovalainen se fait percuter par son compatriote au premier tour et victime d'une crevaison, il termine 12e. Derrière, Vettel et Sutil s'accrochent tout comme Nakajima et Fisichella. Massa remporte le 7e Grand Prix de sa carrière, le 3e consécutif à Istanbul, devant Hamilton et Raikkonen. Kubica devance une nouvelle fois Heidfeld, alors que Alonso renoue avec les points devant Weber et Rosberg. Et avant de reprendre la suite du championnat, en Turquie, nous célébrons le 257e départ en Grand Prix de Rubens Barrichello. Un moment historique à marquer puisqu'il égale le record détenu par Riccardo Patrese. I was 7 years old with Mickey Mouse on my painted on my room walls and Mickey Mouse bed sheets. I was 5 years old. I remember that he had a quite strong impact straight away. I remember watching actually in Donington Park and Rubens drove fantastically, and that's the first race I actually watched live. By the time that I finish, I'll have 300 anyway. So. C'est sur une piste détrempée que Felipe Massa et Kimi Raikkonen devancent le peloton à Monaco. McLaren aimerait compter sur ces deux pilotes pour mettre la pression aux Ferrari, mais Kovalainen, alors quatrième, est encore frappé par la malchance, victime d'un problème de boîte à vitesse lors du tour de formation et partira des stands. Hamilton passe Raikkonen au départ et met la pression sur Massa, mais il fera une erreur et devra rentrer au stand changer de pneus. Diverses collisions au départ ruinent les chances de Rosberg, Button, Alonso, alors qu'un accrochage entre Coulthard et Bourdais provoque une safety car. Raikkonen reçoit une pénalité de passage au stand car son équipe lui a chaussé ses nouvelles gommes pluie 3 minutes plus tard que ce que le règlement ne l'autorise avant le départ. Alonso s'accroche avec Heidfeld, les forçant chacun à s'arrêter. Massa s'offre une excursion hors piste sans gravité, mais alors que la piste s'assèche, tout le monde passe en pneus secs. Ferrari décide de garder les pneus pluie et perd toute l'avance qu'il avait construit. Lorsqu'il s'arrête pour ravitailler, il se fait dépasser par Hamilton et Kubica et perd de précieux points car le podium restera tel quel. Hamilton reprend la tête du championnat alors que Kubica s'affirme à la quatrième place à seulement 6 points de la tête. Mais le Grand Prix reste très mouvementé derrière. Nico Rosberg, auteur d'une belle prestation, ruine ses chances en tapant le mur à la piscine. La safety car est de mauvais augure pour Adrian Sutil, incroyable quatrième du Grand Prix. Le pilote Force India avait déjà fait preuve de son talent sous la pluie en Chine, mais à la reprise, il est sous la pression de Kimi Raikkonen. Et s'il ne cédera pas à la pression, on ne pourra pas en dire autant du Finlandais qui perd le contrôle à la sortie du tunnel et percute l'Allemand, ruinant les espoirs de l'écurie indienne d'inscrire les premiers points de son histoire avec prestige. Weber profite du chaos pour entrer à la quatrième place et une cinquième entrée dans les points consécutifs devant Sébastien Vettel. Le pilote allemand, visiblement à l'aise sous la pluie, met un terme à une période de malchance pour ouvrir son compteur de points et termine devant Rubens Barrichello qui renoue avec les points pour la première fois depuis 2006. Le top 8 se termine avec Nakajima et Kovalainen revenus de très loin. Au Canada, sur les terres de sa première victoire, Lewis Hamilton prouve son amour du tracé Gilles Villeneuve en signant la pole 6 dixièmes devant Kubica et 9 devant Raikkonen. Si Hamilton garde de bons souvenirs de sa première venue à Montréal, Kubica ne peut pas en dire autant, ayant été victime d'un accident effrayant l'année dernière, mais les fantômes de son passé ne semblent pas le hanter. Au départ, Hamilton creuse rapidement l'écart suivi par le Polonais et le champion en titre. Si les écarts semblent se stabiliser, lorsque Adrian Sutil abandonne, la safety car les réduit à zéro. Comme sous chaque période de safety car, la voie des stands est fermée quelque temps et lorsqu'elle réouvre, le trio de tête s'arrête. Mais un arrêt plus lent pour Hamilton verra ses poursuivants lui chipper l'avantage. Mais pour quelques mètres seulement, car le feu à la sortie des stands est rouge, et si Raikkonen et Kubica s'arrêtent, Hamilton est surpris et percute l'arrière du Finlandais avant que Rosberg ne percute Hamilton à son tour. Rosberg continue, mais les deux candidats au titre abandonnent et la pression monte dans le garage BMW, Heidfeld menant la course devant son coéquipier et Alonso. Le pilote allemand ravitaille à son tour et conserve la tête et semble mener un doublé inattendu pour l'équipe. Et inutile de s'inquiéter de la dernière Ferrari et la dernière McLaren. Un problème technique sur la pompe à essence de Massa l'oblige à rentrer se ravitailler quelques tours après son premier arrêt. Quant à Kovalainen, il semble souffrir d'un remarquable manque de rythme. Alors qu'il allait marquer les premiers points de sa carrière, Piquet Jr. abandonne pour la cinquième fois en 7 Grands Prix pour des problèmes de frein. Alonso semble en route pour un miraculeux podium, mais alors qu'il chasse les BMW, il perd le contrôle et doit abandonner. Sur une stratégie à un seul arrêt, Heidfeld perd la tête au profit de Kubica sur une stratégie plus agressive et, au bout d'une course riche en incidents, Robert Kubica, unique pilote polonais de l'histoire de la Formule 1, entre dans la légende en remportant le premier Grand Prix de sa carrière et de celle de BMW, suivi par son coéquipier Nick Heidfeld. Bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now. Derrière eux, le rouillé mais non moins expérimenté David Coulthard offre à Red Bull le troisième podium de sa carrière, son second pour l'écurie et ouvre son compteur de points pour cette saison. Heidfeld's got his enthusiasm under control. He knows he's been well and truly overshadowed by his teammate this year. He knows that this guy is an absolute superstar. He doesn't make mistakes. He's as fast as anybody out there. He leads the Drivers' Championship. Consécration d'une entrée dans le sport 3 ans plus tôt et d'opportunités de victoire perdues en 2007, cette victoire est le symbole que McLaren et Ferrari ne sont pas seuls aux avant-postes cette année. Il faudra compter avec eux pour la lutte au titre. Pour la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2006, aucune McLaren ou Ferrari n'est présente sur le podium. Timo Glock marque ses premiers points depuis ses débuts en tant que titulaire avec une superbe 4ème place, le pilote allemand résistant à la pression de Felipe Massa en fin de course. La 6ème place de Trulli permet à Toyota de revenir sur Red Bull au championnat constructeur. Barrichello entre à nouveau dans les points, 7ème devant la Toro Rosso de Vettel. Pour la 3ème année consécutive, les Ferrari dominent en France. Massa profite d'un problème technique pour Raikkonen, parti en pole pour mener un nouveau doublé, et profite d'une faible forme des BMW, Kubica terminant 5ème et Heidfeld hors des points. La 3ème place du podium est récupérée par un excellent Jarno Trulli, toujours brillant sur ce tracé, qui permet à Toyota de renouer avec le podium pour la première fois depuis Melbourne 2006, et en résistant à la pression de Heikki Kovalainen dans les derniers tours, se pardonne à lui-même de son podium perdu ici même en 2004, en se faisant passer par Barrichello dans l'avant-dernier virage. Weber termine 5ème devant les Renault, qui signent leur meilleur résultat d'ensemble de la saison à domicile, Piquet ouvrant enfin son compteur de points en 7ème place devant Alonso. Zéro pointé pour Hamilton parti de loin à cause d'une pénalité de 10 places infligée à cause de l'accident qu'il avait causé au stand au Canada. Arrivé à Silverstone à la mi-saison, faisons un point global sur ce championnat très serré. Massa mène 2 points devant Kubica et 6 devant Raikkonen. Hamilton accuse 10 points de retard et Heidfeld 20. Malgré des erreurs sur les premières épreuves, Massa et Raikkonen s'affichent comme un duo solide pour la Scuderia, et même si l'ambiance en interne est sereine, les deux ne comptent pas se faire de cadeaux pour décrocher le titre. On ne s'attendait pas à ce que BMW soit un challenger aussi sérieux et solide cette saison, et encore moins que Robert Kubica prendrait à ce point la mesure sur le rapide Nico Heidfeld. Si le constructeur allemand semble un cran en dessous des Ferrari et McLaren, leur régularité et une saison quasi parfaite leur vaut cette belle position. Le Polonais, malchanceux dans les premières épreuves, est un concurrent redoutable au championnat et aussi pour Nico Heidfeld. Seul vainqueur de l'écurie, Kubica met à mal Heidfeld qu'on attendait bien plus en forme après d'excellentes campagnes 2006 et 2007 et qui, avec plus de 130 Grands Prix à son actif, est le pilote en activité avec le plus de départs sans aucune victoire. Si son avenir ne semble pas en danger chez BMW, il semble que les chances de Heidfeld de prouver sa valeur au sommet s'amenuisent face à la jeunesse et la vigueur de Kubica. Si la lutte entre le top 3 est intense, la lutte pour la 4ème place est serrée entre Red Bull et Toyota avec un podium chacune. Trulli et Weber sont à égalité en 7ème place, mais Red Bull a un point de plus que Toyota. Avec 6 entrées dans les points en 8 Grands Prix, Weber domine Coulthard qui ne doit ses points qu'à son podium au Canada. L'Australien semble avoir décidé de laisser côté sa malchance de ces dernières années pour concrétiser ses belles performances en qualif et prendre la place de best of the rest provisoire grâce à sa régularité. La fin semble proche pour DC qui confirme lors du Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il prendra sa retraite en fin de saison. Sa décision était prise depuis quelque temps et avoir attendu ce qui s'apparente le plus à un Grand Prix à la maison pour l'Écossais sur un tracé où il a remporté 2 de ses 13 victoires semble logique. Une saison forte pour Red Bull jusque-là qui semble avoir résolu ses problèmes de fiabilité, mais déjà, Christian Horner admet que la voiture n'évoluera plus beaucoup, Adrian Newey et ses ingénieurs se consacrant déjà à 2008. Accablé par la malchance en début de saison, Sebastian Vettel semble promis à ce baquet. Red Bull semblait vouloir prouver l'efficacité de son programme de développement de jeunes pilotes. L'Allemand a donné la vie dure à Sébastien Bourdais, qui semble avoir du mal à s'habituer au F1, étant régulièrement devancé en qualification et en course, et étant trop souvent au cœur d'incidents dans le milieu de peloton. Mais avec 7 points d'inscrits jusque-là, cette saison 2008 semble vraiment réussie pour la encore jeune écurie Toro Rosso, bien que le moteur Ferrari semble être la seule différence majeure que la monoplace présente par rapport au modèle de la Red Bull. Revenons chez Toyota donc. Comme en 2007, Trulli est l'homme fort de l'équipe et ses performances solides en qualification lui ont donné l'opportunité d'entrer régulièrement dans les points. Après un début de saison moyen, Timo Glock continue son apprentissage et s'approche progressivement du rythme de l'Italien. Après un début de saison prometteur avec un podium, c'est une saison décevante pour Williams jusque-là. Rosberg domine allègrement Nakajima et porte à la perfection son brassard de numéro 1. Une meilleure saison que 2007 pour Honda jusque-là. Bon, c'était pas difficile. Mais il est clair que 2008 n'est pas l'année de l'écurie nippone. Après la disparition de son écurie B Super Aguri, les difficultés financières de Honda ne sont plus un secret, et à l'instar de Red Bull, l'écurie dit consacrer entièrement ses ressources à la révolution technique de 2009. Barrichello aura mis du temps, mais il s'est habitué à l'équipe et donne du fil à retordre à Jenson Button. Le bagage technique du Brésilien est un atout considérable pour l'équipe, et on ne peut que regretter de voir ce duo prolongé pour 2009 végéter dans le ventre mou du peloton. Sans grande surprise, c'est un zéro pointé pour Force India, mais la jeune écurie indienne n'est pas trop à la traîne et vient occasionnellement se mêler à la lutte avec les Honda et Toro Rosso. Même si ce sont des gros dollars de perdus pour l'écurie, l'abandon d'Adrian Sutil à leur quatrième à Monaco donne de gros espoirs à la structure qui pense pouvoir se mettre en avant dans des conditions difficiles. McLaren semblait être la force à battre en début de saison, mais l'équipe et les pilotes ont enchaîné les erreurs. Après tout, Hamilton continue son apprentissage en Formule 1 et le Britannique reconnaît vouloir trop en faire. L'équipe pouvait se vanter de son line-up en début de saison, mais Kovalainen semble régresser depuis son accident en Espagne. Il faut reconnaître que le Finlandais a été accablé par la malchance à de multiples reprises, mais son rythme en qualification, qui était très bon, semble régresser. Ron Dennis justifiant que Kovalainen a tendance à surpiloter et commettre des erreurs au mauvais moment. Mais le Finlandais parviendra à tout mettre bout à bout à Silverstone en signant la première pole position de sa carrière. Kovalainen mène une première ligne inattendue devant Mark Webber, l'Australien réalisant un nouvel exploit sur un tour, et Raikkonen et Hamilton, le Britannique à domicile se faisant prendre 8 dixièmes par son coéquipier. Après avoir raté la victoire en 2007, Hamilton compte bien se rattraper le dimanche et devenir le premier Britannique à s'imposer à domicile depuis Coulthard en 2000 et le premier Anglais depuis Johnny Herbert en 1995. Mais la célèbre météo anglaise pleut le dimanche. Hamilton prend rapidement la deuxième place et chasse son coéquipier pendant quelques tours avant de prendre la tête. Massa perd le contrôle de sa Ferrari à plusieurs reprises, alors que le futur retraité Coulthard s'accroche avec Sébastien Vettel, son probable futur remplaçant. Alors que la piste s'assèche, Raikkonen décide de passer en pneus secs. Il signe rapidement le meilleur tour en course, mais Ferrari regrette son appel lorsque la pluie retombe avec plus d'intensité et il se fait rattraper par Kovalainen et Heidfeld. L'Allemand s'illustrant en doublant les deux Finlandais à l'extérieur en un seul virage. Kovalainen s'arrête pour remettre des intermédiaires, mais c'est clairement un mauvais choix de McLaren, les pneus pluie semblant mieux adaptés. Énormément de sorties de piste pendant ce Grand Prix cataclysmique, éliminant Sutil, Fisichella, Piquet, Button et notamment Kubica. Massa, Raikkonen, Webber et même Hamilton pourront se dire plus chanceux lors de leurs excursions hors piste. Les Honda sont les premières à prendre le pari de mettre des pneus extrême pluie. Barrichello gagne ainsi près de 9 secondes au tour sur le reste du plateau. Il mène une course sensationnelle et remonte jusqu'à la 4ème place. Il dépasse Trulli, puis Heidfeld et creuse un écart de plus de 20 secondes sur la BMW, mais un problème de pompe à essence l'oblige à repasser au stand pour se ravitailler. Avec plus de 58 secondes d'avance et un pilotage quasi parfait, Lewis Hamilton remporte son premier Grand Prix à domicile avec le plus grand écart sur le second depuis le Grand Prix d'Australie 1995 sur Nick Heidfeld, redorant son image après avoir été largement dominé par Kubica en début de saison. Et après des années dans l'ombre chez Ferrari et en difficulté depuis son arrivée chez Honda, Rubens Barrichello monte sur le podium depuis la première fois depuis son arrivée chez le constructeur japonais et depuis le Grand Prix des États-Unis 2005. Le pilote le plus expérimenté du plateau rappelle que son talent ne l'a jamais quitté et son aisance dans des conditions piégeuses qui lui avait valu la première victoire de sa carrière au Grand Prix d'Allemagne en 2000 en étant parti de la 18e place. I wasn't good on the wet on my very first race. Next time it was wet in Interlagos with a go-kart to take the slicks and go learn on the wet. And that's what I did for half a day. And then when I put the wet, I was a master. It was unbelievable. And oh man, don't ask me the year because you're definitely not born. So it's 82, yeah. It's such tricky conditions. The first sector may be dry, then this, or not so bad. And then the second sector, you could see big droplets of rain on your visor. It was so slippery. It was so tough. It was a real mental challenge. Yeah, I don't think you can say a recovery because two races ago we had a 1-2. I hope Manicourt, the previous race, was a one-off. Raikkonen termine au pied du podium devant Kovalainen, Alonso, Trulli et Nakajima. Felipe Massa termine en bon dernier et Kubica s'étant mis dans le mur. Hamilton se partage la tête à 48 points ex aequo avec les Ferrari. Sur les terres de Mercedes, Hamilton domine le Grand Prix d'Allemagne. Un Grand Prix marqué par le violent crash du local Timo Glock qui pointait dans une bonne position, le pilote Toyota victime d'une rupture de suspension lui faisant perdre le contrôle. La safety car permet à Nelson Piquet, sur une stratégie conservatrice, de se retrouver en deuxième place sans avoir à s'arrêter à nouveau. Le Brésilien signe le premier podium de la saison de Renault et le délivre d'une pression énorme pour le renouvellement de son contrat après un début de saison médiocre. Massa est troisième devant Heidfeld, Kovalainen, Raikkonen, Kubica et Vettel. Les McLaren verrouillent la première ligne en Hongrie devant Massa, Kubica et Glock. Après un inquiétant crash en Allemagne, le pilote Toyota revient en pleine forme et devance la Ferrari de Raikkonen. Au départ, Massa passe les flèches d'argent pour prendre la tête alors que Glock dépasse Kubica. Hamilton et Massa s'envolent et se chassent pendant la majorité de la course, jusqu'à ce que le pneu avant de la McLaren du Britannique ne se délamine, le faisant terminer à la 5ème place. Massa gère son avant sur Kovalainen en s'apprêtant à reprendre la tête du championnat, mais à 3 tours du drapeau à damier, le moteur de sa Ferrari l'abandonne sur la ligne d'arrivée. Une défaite déchirante pour le Brésilien, mais une surprise réjouissante pour Heikki Kovalainen qui, après une saison mélangeant contre-performance et malchance abyssale, prend la première victoire de sa carrière, la quatrième d'un Finlandais en Formule 1 et devenant le 100ème pilote de l'histoire à gagner un Grand Prix. Il termine devant Timo Glock, montant sur le premier podium de sa carrière devant Raikkonen, Alonso et Hamilton. Pas trop mal. Piquet est 6ème devant Trulli et Kubica. Après le break estival, le Grand Prix d'Europe fait son retour au calendrier sur un tout nouveau tracé urbain, Valence, en Espagne. Outre Fernando Alonso, le héros national abandonnant au premier tour à cause d'un crash, le nouveau drame de ce Grand Prix, c'est qu'il est chiant à mourir. Dominé par Felipe Massa qui gagne devant Hamilton et Kubica, Raikkonen perd du terrain en championnat après avoir fauché ses mécaniciens au stand et suite à une casse moteur. Kovalainen est 4ème devant Trulli, Vettel, Glock et Rosberg. Il y a encore 3 ou 4 Grands Prix, la lutte pour le titre semblait se dessiner entre 4 hommes forts, mais Hamilton et son dauphin Massa, 6 points derrière, semblent se dégager comme les plus sérieux challengers. Mais les BMW qui semblaient être de si sérieux challengers perdent du terrain à vue d'œil. Des rumeurs affirment que l'objectif de signer une victoire et régulièrement des podiums étant largement atteint, la direction a décidé de stopper le développement de la voiture pour se consacrer à la révolution de 2009, dont McLaren et Ferrari ne semblent pas encore inquiets. Toyota a pris un ascendant phénoménal sur Red Bull, la firme autrichienne s'étant même fait passer par Renault. Jarno Trulli réalise une saison remarquable et Timo Glock, après des débuts compliqués, prouve progressivement sa valeur en se rapprochant de l'Italien. Mark Webber porte Red Bull, Coulthard n'ayant pas marqué le moindre point excepté pour son podium au Canada. Mais l'écurie semble perdre du terrain, se faisant même rattraper par Toro Rosso, mais Newey et ses ingénieurs se focalisent à 100% sur 2009. Hamilton signe la pole devant Massa, Kovalainen et Raikkonen, mais sur une piste humide, le Britannique perd le contrôle en début de course, confiant les commandes à Raikkonen. Au premier tour, un accrochage sans gravité compromet les courses de Kovalainen, Heidfeld et Trulli, mais aussi Fisichella et Nakajima. Le Grand Prix est assez calme, jusqu'à ce qu'à 3 tours de la fin, la pluie fasse son apparition. Hamilton chasse Raikkonen et le dépasse en coupant la chicane de l'arrêt de bus. Il laisse passer logiquement le Finlandais, mais le dépasse à nouveau en bout de ligne droite. Non sans dégâts, les deux pilotes se passent et se repassent, faisant face aux retardataires, mais aussi aux conditions changeantes de la piste. Raikkonen garde l'avantage, mais à la sortie de Blanchimon, il perd le contrôle et termine sa course dans le mur, et Hamilton remporte le Grand Prix devant Massa. Mais derrière, la course est tout aussi folle. Alonso, Heidfeld et Vettel s'arrêtent pour passer en intermédiaire, offrant la 3ème place à Sébastien Bourdais devant Webber dans le dernier tour. Mais les pilotes en pneus secs perdent énormément de temps sur ce tracé si long et, en un seul tour, Nick Heidfeld, sorti 9ème des stands, franchit la ligne d'arrivée à la 3ème place, Bourdais se faisant passer dans le dernier virage par Alonso, Vettel et Kubica, alors que Webber sera classé 8ème suite à une pénalité de Timo Glock ayant dépassé sous drapeau jaune. Les célébrations de Hamilton sont écourtées après qu'il ait été pénalisé de 10 secondes, offrant la victoire à Massa et la seconde place à Heidfeld. Bien qu'ayant rendu sa place à Raikkonen après l'avoir doublé en coupant un virage, la FIA estime que le Britannique a tiré avantage de la situation pour repasser le Finlandais juste après. He took an advantage by cutting the chicane. You can ask drivers how many overtakes you see there. No overtaking. Going from the last corner to the first corner is so small, straight. you know, so he took an advantage, that's clear, I mean. Aucun doute que lorsqu'on arrive en Italie, ce sera au tour de Raikkonen de jouer le rôle du numéro 2 que Massa a tenu pour lui la saison précédente, ce que le Finlandais accepte de faire sans rechigner. Mais qu'est-ce que la lutte au titre sinon un détail sans importance, car sur une piste détrempée, la Toro Rosso de Sebastian Vettel signe la pole position pour moins d'un dixième devant la McLaren de Kovalainen. Devenant le plus jeune poleman de l'histoire, Vettel rappelle au bon souvenir des tifosi que Ferrari n'est pas la seule écurie italienne sur le plateau, Toro Rosso étant né des cendres de Minardi, une écurie légendairement connue pour avoir été pendant plus de 20 ans la lanterne rouge du sport. Bourdais confirme la forme de l'équipe en signant la 4ème place, un résultat aux allures de victoire pour cette équipe ayant toujours été habituée au fond de grille. Weber signe la 3ème place alors que Massa est 6ème, Raikkonen 14 devant Hamilton. Le départ est donné sous régime de safety car et signe la fin des espoirs pour Bourdais, étant victime d'un problème technique l'empêchant de partir. Il devra prendre le départ depuis les stands. À aucun moment, si ce n'est que pour une petite glissade, Sebastian Vettel aura semblé en difficulté. Toro Rosso ayant opté pour des réglages plus adaptés à la pluie dès le début du week-end, Vettel domine et remporte le premier Grand Prix de sa carrière, de l'histoire de Toro Rosso, et entre dans l'histoire du sport en devenant le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix à l'âge de 21 ans. Il devance la McLaren de Heikki Kovalainen n'ayant rien pu faire dans ces conditions où la Toro Rosso était intouchable. Et Robert Kubica complète ce qui devient alors le plus jeune podium de l'histoire avec une moyenne d'âge de 23 ans et 7 mois. Alonso et Heidfeld complètent le top 5, Massa et Hamilton remontent aux 6ème et 7ème place et Weber récupère le dernier point. Date historique fin septembre 2008, Singapour accueille le premier Grand Prix de nuit de l'histoire. Les inquiétudes concernant d'éventuelles coupures d'électricité ou problèmes de visibilité sont vite écartées. La lutte Massa-Hamilton se poursuit en principauté, avantage aux Brésiliens en qualif, Raikkonen en 3ème place devant Kubica et Kovalainen. Le départ se passe sans problème et le trio de tête s'envole normalement. On semble se diriger vers un Grand Prix assez ennuyant lorsque Nelson Piquet perd le contrôle de sa Renault provoquant l'intervention de la safety car. Sans contrat pour 2009 et sans résultat ni constance depuis le début de saison, le prestigieux nom du fils du triple champion du monde semble condamné, Romain Grosjean, 3ème pilote de Renault, lorgnant sur le baquet de Piquet. Massa dit adieu à tout espoir de gros points lorsqu'une erreur de son stand le force à arracher le tuyau d'essence et le faisant repartir bon dernier et terminer hors des points. Zéro pointé pour Ferrari, Raikkonen se mettant dans le mur en fin de course. Résultat de la safety car, Rosberg mène la course et malgré une pénalité à venir à cause de son ravitaillement lorsque la voie des stands était fermée, creuse son avance devant Trulli, le pilote Toyota faisant le jeu de l'allemand en causant ce qui était jadis qualifié de Trulli Train, littéralement train de Trulli. Qu'est-ce qu'un Trulli Train ? Jarno Trulli était un pilote très réputé pour sa vélocité et sa capacité à placer ses monoplaces sous-performantes dans de bonnes positions sur la grille. Mais sur les longs relais, le manque de performance était flagrant et le pilote italien causait des embouteillages derrière lui sur la piste. Parenthèse mise de côté, lorsque Rosberg et le reste du plateau s'arrêtent, on se retrouve avec un nouveau leader inattendu. Contrairement au reste du plateau, Fernando Alonso n'avait plus d'arrêt de prévu, l'Espagnol s'étant miraculeusement arrêté un tour avant que son équipier ne se crache. Eh, si ça c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est. N'étant jamais monté sur le podium de la saison, Alonso remporte son premier Grand Prix en 2008 et le premier de Renault depuis 2006. Nico Rosberg profite des conditions de course et d'un rythme de course solide pour renouer avec le podium devant Hamilton. Très belle prestation à nouveau pour Timo Glock, 4ème devant Vettel. Heidfeld, Coulthard rentrant dans les points pour la première fois depuis son podium au Canada et Nakajima. Si 2007 avait offert une édition torrentielle, le Grand Prix du Japon 2008 sera sous un ciel dégagé, mais une piste néanmoins humide. Hamilton prend la pole devant Raikkonen et Kovalainen. Alonso tire le meilleur de sa Renault et prend la 4ème place devant Massa, Kubica, Trulli, Glock, Vettel et Bourdais. Au départ, Hamilton tire tout droit et heurte Kovalainen qui touche Raikkonen à son tour. Kubica prend la tête de la course devant Alonso, Kovalainen, Trulli, Massa et Hamilton. Derrière, Coulthard s'accroche avec Bourdais et Piquet et percute Nakajima avant de s'écraser violemment contre le mur de pneus. Après un départ frustrant, Hamilton profite d'un freinage raté de Massa, mais le Britannique ferme la porte trop tôt et se retrouve à l'envers, repartant bon dernier avec tout à refaire. Massa se fera pénaliser d'un drive-through pour cet incident, tout comme Hamilton pour celui du premier virage. Avec 20 points de retard sur Massa et Hamilton, Kubica est toujours mathématiquement dans la lutte au titre. Et si Kimi Raikkonen dans ses échappements lui a bien prouvé quelque chose, c'est que tout est encore possible à ce stade de la saison. Mais grâce à une meilleure stratégie, Fernando Alonso récupère la tête de la course et remporte un nouveau succès inespéré pour Renault, et cette fois dans des conditions de course moins rocambolesques, et rappelle au monde toute l'étendue de son talent de double champion du monde. Grâce à sa quatrième place, Piquet permet à Renault de signer le meilleur résultat d'ensemble de la saison de Renault et permet aux manufacturiers français de creuser l'écart sur Toyota. Trulli, cinquième, finit devant Vettel, Massa et Weber. Nous arrivons à l'avant-dernière manche de la saison et c'est désormais inéluctable. Seuls Hamilton, Massa et Kubica sont prétendants au titre. Le Britannique qui signe la pole position en Chine possède 5 points d'avance sur le Brésilien et 12 sur le Polonais. Mais si Massa se qualifie 3ème derrière son coéquipier, on ne se berce pas d'illusions sur les espoirs de Kubica. Le manque de performance de BMW depuis la deuxième moitié de saison se fait vraiment sentir et il se qualifie 11ème. Et ses espoirs sont enterrés à la 6ème place à la fin du Grand Prix, alors que Hamilton agrandit son avantage en gagnant devant Massa et Raikkonen. Alors qu'il menait la course lors de la phase des arrêts au stand, Kovalainen abandonne suite à une crevaison et des problèmes hydrauliques. Alonso est 4ème devant les BMW, Glock et Piquet. 7 points d'avance avant le dernier Grand Prix de la saison au Brésil, ça rappelle de mauvais souvenirs à Lewis Hamilton qui était exactement dans la même position un an plus tôt. A nouveau, il partira 4ème alors que Massa signe la pole position devant Yarno Trulli. Les calculs sont assez simples pour le Brésilien, il doit gagner et espérer que Hamilton ne fasse pas mieux que 6ème. Si Hamilton terminait 6ème, les deux seraient à égalité, mais avec plus de victoires, le titre reviendrait au local de l'épreuve. Et même s'il part 13ème, Kubica pourrait conserver sa 3ème place au championnat pilote avec 6 points d'avance sur Raikkonen. Côté constructeur, avantage Ferrari, mais rien n'est encore joué, et sincèrement, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? C'est sur une piste humide que démarre le Grand Prix, et c'est au premier virage que s'achève la carrière de David Coulthard suite à un accrochage avec Kazuki Nakajima. Voir l'Écossais terminer un Grand Prix sur un accrochage n'est plus une surprise en 2008, et si son podium est le point d'orgue de cette saison pour Red Bull et lui, cette saison aura été affligeante tant il aura été dominé par Weber et aura accumulé les erreurs. Mais malgré cette note décevante, le monde de la Formule 1 applaudit et salue la carrière du vice-champion du monde 2001, ayant terminé 4 fois 3ème du championnat en 246 départs, où il aura signé 12 pole positions, remporté 13 victoires et sera monté sur 62 podiums. Suivant cet accrochage et le crash de Nelson Piquet, la safety car est de sortie et beaucoup tentent de passer en pneus secs. Au restart, Massa mène et creuse l'écart devant la Toro Rosso de Vettel, toujours à l'aise sous la pluie et sur une stratégie décalée, et Alonso 3ème. Après un départ difficile, Hamilton, Raikkonen et Kovalainen remontent dans le peloton. Le Britannique remonté en 5ème place pourrait se contenter de ce résultat pour être sacré. À l'approche de la fin de la course, Massa mène devant Alonso, Raikkonen et Timo Glock. Toyota avait pris le pari en début de course de remplir le réservoir de sa Toyota et l'Allemand mène une course solide, convertissant ce qui était une 7ème en une 4ème place. Hamilton est 5ème, chassé par Vettel, mais avantage à la McLaren. Il ne reste plus que 8 tours à parcourir lorsque la pluie s'invite sur la piste. BMW, très en retard ce week-end, arrête Heidfeld et Kubica très rapidement pour des intermédiaires, rapidement suivis par les Ferrari, Alonso, Hamilton et Vettel, alors que seul Timo Glock reste en piste en pneus secs. Mais sur piste humide, Hamilton est en difficulté et Vettel a l'avantage. Le jeune prodige harcèle le leader du championnat, et à 3 tours de la fin, il parvient à pousser Hamilton à la faute, redonnant ainsi l'avantage à Massa pour le titre. La foule de Brésiliens hurle de joie tout comme la famille de Massa dans le stand Ferrari. Après des débuts tumultueux chez Sauber en 2002, Felipe avait séduit la Scuderia qui l'avait pris sous son aile en tant que pilote essayeur en 2003 et l'avait aidé à revenir plus fort en 2004 et 2005 avant de lui offrir un baquet en 2006. Après des débuts difficiles en rouge et des incessantes remises en question, Felipe Massa franchit la ligne en tant que vainqueur sous les hurlements de ses compatriotes et du stand Ferrari devant un exceptionnel Fernando Alonso et Kimi Raikkonen. Mais alors que la pluie s'était intensifiée dans le dernier tour, Timo Glock, qu'on attendait en 4ème position, roule sur de la glace avec des pneus détruits et dans le virage menant à la ligne droite d'arrivée, se fait dépasser par Vettel et Hamilton, offrant un solide résultat à l'Allemand et le titre aux Britanniques. Les stands sont en effusion. Ferrari et les Massa, qui célébraient ce qu'ils pensaient être un jour de consécration, se retrouvent confrontés à la réalité. Car à l'âge de seulement 23 ans et 9 mois, et au bout de sa deuxième saison en Formule 1, ce jeune diamant brut qu'est Lewis Hamilton est couronné champion du monde pour un point, au terme d'une course qui sera remémorée comme le final le plus intense d'une saison de Formule 1. But you guys did a fantastic job all season, and you deserved it. So this is for you and to my family. Thank you for all supporting me and believing in me. Thank you again, guys. Thank you. I'm so glad to race for this team. Thank you. Sous les larmes du public et du ciel, Felipe Massa se tient comme un digne perdant, louant la solide saison de Hamilton et remerciant Ferrari de lui avoir offert cette opportunité, et il félicite son équipe pour le titre constructeur. Si la sixième place reste un bon résultat pour Timo Glock et sa Toyota, le jeune Allemand sera très vite jugé comme coupable de la défaite de Massa, bien qu'il était derrière Hamilton avant que tout le monde ne passe en intermédiaire. Et pour me permettre une digression cocasse, certains pourraient être surpris que je n'ai pas encore mentionné nos chers Christophe et Jacques, commentateurs des Grands Prix à l'époque, mais dans cette longue vidéo, je voulais vraiment vous garder le meilleur pour la fin en comparant la couverture britannique de ITV, celle de TF1, et en bonus celle de RMC pour prouver que ce n'est pas parce que français rime avec mauvais que le trio que formaient Jean-Luc Roy, Patrick Tambay et Julien Febraud à l'époque est à mon avis la meilleure équipe imaginable pour commenter des Grands Prix. Now to find out who will be the world champion of 2008. Can Hamilton do anything? Can he run it up the inside of Vettel? Only a few corners to go now, and desperation starts to creep in for Lewis Hamilton. Raikkonen's third, and is that Glock? Is that Glock going slowly? It is. That's it's Glock. Oh my goodness me! Hamilton's back in position again. A million, 100,000 local hearts sink in the grandstands. Ça y est, Felipe Massa qui déboule sur la ligne d'arrivée. Victoire de Felipe Massa, victoire de Ferrari. Mais attendez, il faut maintenant attendre. Massa ne sait pas pour l'instant s'il est champion du monde ou pas. Alonso est deuxième, ça c'est fait. Raikkonen troisième. Attention, est-ce que Hamilton peut venir tenter une dernière chose? Et Glock, oui. C'est Glock devant. Glock. C'est Glock qui est passé. Glock qui est passé, Hamilton. Ça y est. Hamilton est champion. Il n'a pas encore passé la ligne. Eh oui, Vettel va finir quatrième. Hamilton est champion du monde. Hamilton, champion du monde, il a passé comme dans le dernier tour. Dans les 300 derniers mètres. Incroyable. Il a passé, il gagne, il va attendre. Il va attendre maintenant, évidemment, Lewis Hamilton. On a pour l'instant Alonso qui est deuxième face à Raikkonen. Il y a une lutte magnifique aussi entre les deux champions du monde. Alonso passé, Christophe. Alonso est passé, deuxième place pour Fernando Alonso, troisième place pour Raikkonen. Et pour l'instant, regardez, c'est la dernière accélération. Lewis Hamilton va-t-il pouvoir faire la différence? Non, ça semble impossible. Allez, ça c'est le moteur. Dans les derniers tours de ce Grand Prix, c'est Sébastien Vettel, le bourreau de Lewis Hamilton. Et c'est finalement Felipe Massa qui devient champion du monde. C'est extraordinaire. Exceptionnel. Quatrième. Non, cinquième. Cinquième Hamilton. Parce que Glock, passé. Glock s'est arrêté. Glock n'est pas passé. Il l'a réussi. Si le manque de fiabilité aura défini la saison des Ferrari, le duo de la Scuderia n'aura pas été exempt d'erreurs non plus. Mais comme en 2007 où il avait été plus malchanceux, Massa était l'homme fort de l'équipe alors que Raikkonen n'aura pas été à la hauteur du numéro 1 qu'il arborait cette année. Si le Finlandais a mené un début de campagne solide, il aura été irrégulier sur le reste de la saison et contrevenir plus fort en 2009. A l'instar de Massa, Hamilton aura accumulé les erreurs en début de saison, mais à l'inverse de 2007, il a su garder la tête froide en fin de saison et témoigne de son immense talent lorsqu'il parvient à garder son sang-froid. Kovalainen termine 7ème du championnat, plus de 45 points derrière Hamilton. Si le Finlandais n'aura pas été aussi flamboyant qu'espéré, Ron Dennis n'oublie pas la malchance qui a constamment frappé le jeune pilote et lui donne une nouvelle chance en 2009. Si la fausse victoire de Massa nous a appris quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de pire que de perdre quand on croit avoir gagné. Et la mine déconfie de Robert Kubica en dit long. BMW était le challenger que tout le monde attendait en début de saison, et si le Polonais aura été la confirmation de cette année, on espère le voir revenir en forme en 2009 avec une écurie qui, selon les rumeurs, a justement abandonné le développement 2008 pour se consacrer à 2009 dès que leur objectif de victoire eut été atteint. Il termine 3ème ex aequo avec Raikkonen, mais avec plus de victoires, c'est le Finlandais qui ira récupérer le trophée de la 3ème place en fin de saison. Et je suis sûr que ça a dû le ravir. Nick Heidfeld termine seulement 15 points derrière son équipier, et s'il aura été régulier et aura su récupérer des podiums au moment opportun, 2008 semble sonner le glas de sa carrière. Après des saisons 2006 et 2007 sensationnelles, Quick Nick a été outrageusement dominé par Kubica, et s'il est prolongé pour 2009, le pilote allemand s'approche lentement du record du plus grand nombre de départs sans la moindre victoire. Dans une Renault sous-performante, Fernando Alonso a rappelé au monde son talent de double champion du monde après une année 2007 où il fut mis à mal par Hamilton en terminant 5ème du championnat avec une deuxième partie de saison phénoménale récoltant deux victoires miraculeuses. Il aura été invisible à l'exception d'un podium, mais Nelson Piquet sera prolongé en 2009. Des rumeurs farfelues veulent que le Brésilien avait un arrangement avec Renault. Il conserverait son baquet s'il provoquait la safety car qui permit à Alonso de gagner à Singapour. Des spéculations bien évidemment moquées par Briatore et Simons à la tête de Renault. Comme si 2007 n'était jamais arrivé, Toyota poursuit sa lancée de 2006 en terminant 5ème du championnat. Et Arnaud Trulli affirme ses talents de maître en qualification, terminant 9ème du championnat, alors qu'après des débuts difficiles, Timo Glock confirme son potentiel de champion de GP2 et termine 10ème, 6 points derrière Trulli avec 2 podiums. Qui aurait pu prévoir que la misérable écurie Minardi rachetée en 2006 par Red Bull pour servir de plateforme de développement de jeunes pilotes allait terminer 6ème du championnat, 10 points derrière l'écurie mère? Hélas, inutile de dire que les 4 petits points inscrits par Sébastien Bourdais n'y sont pour rien dans ce miracle, mais c'est grâce à Sébastien Vettel récupérant une victoire à la force de son talent à la régulière dans des conditions piégeuses et récupérant toujours des gros points sur piste humide. Révélation sans conteste de l'année 2008, il sera propulsé chez Red Bull la saison prochaine aux côtés de Mark Webber. Si l'Australien continue de confirmer le potentiel que l'on voyait à ses débuts en 2002 en marquant 21 des 29 points de l'équipe, on met cette mauvaise position au championnat constructeur sur le dos du manque de performance de David Coulthard. Triste fin de carrière pour un si brillant pilote, mais qui quitte la Formule 1 avec un dernier trophée récupéré au Canada. Après une saison 2007 encourageante, Williams Toyota a souffert cette saison. Avec ses 2 premiers podiums en Formule 1, Nico Rosberg a porté l'écurie, Nakajima peinant à inscrire 9 points. Mais le japonais termine sa première saison en Formule 1 et 2009 doit être l'année de la confirmation. Ce n'est pas une surprise, mais c'est un zéro pointé pour les nouvelles Force India. Si la première moitié de saison était encourageante, Sutil et Fisichella ont souffert du manque de ressources dans la course au développement, mais le duo se sera mené une lutte serrée et sera prolongé en 2009. Et cette année 2008 se termine sur une note dramatique. Après le retrait de Super Aguri, Honda annonce son départ de la Formule 1 avec effet immédiat. Des difficultés financières et 2 saisons désastreuses consécutives poussent le manufacturier japonais à mettre la clé sous la porte. Des allures de retraite forcées pour Rubens Barrichello, auteur d'un podium magistral à Silverstone, alors que l'immense potentiel enfermé en Jenson Button pourrait peut-être réussir à trouver sa place dans les quelques misérables baquets restants en 2009. McLaren versus Ferrari, 3ème round. Massa va-t-il pouvoir réussir à enfin décrocher son premier titre mondial? Raikkonen sera-t-il de retour au sommet de son art? Alonso et Renault vont-ils pouvoir revenir au sommet? BMW vont-ils créer la surprise? Et quid de Red Bull qui a passé l'année à se vanter de son développement en vue de la révolution technique pour 2009? Si la génération des talents du début des années 2000 a connu et connaît des heures de gloire avec Alonso, Raikkonen et Massa, les Heidfeld, Button et Webber semblent condamnés à l'oubli. En effet, Lewis Hamilton, plus jeune champion du monde de l'histoire, en est le symbole. Robert Kubica et Sébastien Vettel en sont les apôtres. Kovalainen, Rosberg et Glock, les témoins. La jeunesse est en marche et elle arrive avec force. Après une année 2008 disputée à tous les niveaux, j'ai hâte de vivre la suite de cette guerre générationnelle en 2009 qui marque le début d'une nouvelle ère technique de la Formule 1 et qui pourrait, allez savoir, nous offrir quelques petites surprises. Did you win the championship?